Vers 9 h, il sortit pour s'assurer si l'exécution de son projet était possible. Puis, après quelques démarches et quelques visites, il se rendit à la maison de ses parents. Sa mère l'attendait, enfermée dans sa chambre. « Si tu n'étais pas venu, dit-elle, je n'aurais jamais osé descendre. » On entendit aussitôt Roland qui riait dans l'escalier. « On ne mange donc pas aujourd'hui, nom d'un chien !» On ne répondit pas et il hurla. « Joséphine, nom de Dieu, qu'est-ce que vous faites ?» La voix de la bonne sortit des profondeurs du sous-sol. « V'là, monsieur, qu'est-ce qu'il vous faut ?»« Oui, madame. Madame est en haut avec monsieur Jean. » Alors il vociféra en levant la tête vers les âges supérieurs. « Louise !» Madame Roland entrouvit la porte et répondit. « Quoi, mon ami ? On ne mange donc pas, nom de chien ?»« Voilà, mon ami, nous venons. » Elle descendit, suivie de Jean. Roland s'écria en apercevant le jeune homme. « Tiens, te voilà, toi ? Tu t'embêtes déjà dans ton logis ?»« Non, père, mais j'avais accousé avec maman ce matin. » Jean s'avança, la main ouverte, et quand il sentit se refermer sur ses doigts l'étreinte paternelle du vieillard, une émotion bizarre et imprévue le crispa. L'émotion des séparations et des adieux, sans espoir de retour. Madame Roland demanda. « Pierre n'est pas arrivé ?» Son mari haussa les épaules. « Non, mais tant pis, il est toujours en retard. Commençons sans lui. » Elle se tourna vers Jean. « Tu devrais le chercher, mon enfant. Ça le blesse quand on ne l'attend pas. »« Oui, maman, j'y vais. » Et le jeune homme sortit. Il monta l'escalier avec la réaction fiévreuse d'un craintif qui va se battre. Quand il lui heurtait la porte, Pierre répondit. « Entrez !» Il entra. L'autre écrivait, penché sur sa table. « Bonjour !» dit Jean. Pierre se leva. « Bonjour !» Et ils se tendirent la main, comme si rien ne s'était passé. « Tu ne descends pas à déjeuner ?»« Mais c'est que j'ai beaucoup à travailler. » La voix de l'aîné tremblait, et son œil anxieux demandait au cadet ce qu'il allait faire. « On t'attend !»« Ah, est-ce que notre mère est en bas ?»« Oui, c'est même elle qui m'a envoyé te chercher. »« Ah, alors, je descends. »